Dimanche 14 août 2016, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous pour la prochaine heure. Les Différents, vous le savez, à chaque semaine, on passe d'un sujet à l'autre, de différents sujets à l'autre pour pas faire de mauvais jeu de mots. Cette semaine, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai de l'expérience aussi dans ce qui se passe. J'en ai eu dans d'une ancienne vie qui est pas si loin que ça, c'est les femmes en construction. Les femmes en construction, de plus en plus on en voit sur les chantiers, oui, de plus en plus on en voit aussi dans les bureaux, au niveau architecte, au niveau ingénieur, et puis aujourd'hui, moi j'ai été 7 ans dans ce domaine-là, et puis pour moi ça s'est bien passé, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu... Parfois de la loterie, il y en a que ça se passe mieux que d'autres. Dans mon cas, ça a bien été, j'étais en dessin. Et puis, quand je suis arrivée la première fois à mon stage, ça a pris même, parce qu'après ça, on m'a embauchée à l'endroit où est-ce que j'avais fait mon stage. Il y a des employés hommes qui étaient là, qui me disaient bonjour. Puis il y en avait toujours un que pendant 2 mois de temps, ça a pris avant qu'ils me disent le premier bonjour. 2 mois. Ça fait pas une super ambiance de travail quand on le voit arriver, qui passe devant notre bureau, puis qui nous ignore un petit peu. Par après, ça s'est super bien passé. Il a compris que j'étais là pour les aider et que justement, ben mon but, c'était de travailler avec eux et pour eux. C'était moi qui avais les plans et puis eux étaient, bon, plombiers, électriciens et tout ça. Pourquoi que ça me tient à cœur? Mais c'est justement parce qu'il y a encore... Il y a des choses qui sont pires que ceux qui sont arrivés. Dans mon cas... On s'en sort après 2 mois, ben là, à un moment donné, on sait que la personne, ben gars, ça s'est replacé, tout ça. Mais sinon, il y a d'autres femmes qu'aussitôt qu'on dirait qui vont aller encore plus que moi sur le chantier ou qui touchent à un outil, des fois ça peut déranger. Et puis, j'aimerais ça en parler. Aujourd'hui, j'ai 2 invités avec moi. On parle avec Jessica Parsons, qui est VP quand même, qui est ingénieure et VP chez Drolet Construction. Bonjour! Bonjour! Et puis, j'ai Monsieur Stéphane Pépin. Je pense que vous le connaissez, il est partout. Il est partout. Aussitôt qu'on parle de femmes dans la construction, lui, c'est le président de Gestion 3 dans 1 depuis quoi, 2002? Bonjour! Bonjour, bonjour. Bon midi! Bon midi, oui! Merci à vous deux d'être ici. Je pense que la condition de la femme sur les chantiers de construction, sur tout ce qui a rapport au domaine, ça vous intéresse, c'est sûr et certain, sinon vous ne seriez pas là. Comment ça a débuté pour vous? Moi, j'aimerais ça tout de suite aller, là, Stéphane, je peux vous appeler oh, Stéphane, oui, je pense. Oui, il n'y a pas de problème. J'aimerais ça aller tout de suite d'où on part en 2002 ou à peu près pour oui. dire, ben gars, moi j'embauche des femmes. Ben moi, mon entreprise a été fondée en septembre 2002. Alors, la première année, on était 4 salariés dans l'entreprise. Puis, après 1 an, ben, je cherchais toujours à savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer chez nous puis qu'est-ce qui me manquait. Mm-hmm. Alors... un appel du ciel qui vient de l'École des métiers Lémouac qu'on m'appelle pour me dire qu'il y a 3 filles qui débutent le cours en peinture, que ça va bien. Puis, je suis comme resté surpris. C'est comme si il arrivait une affaire d'extraterrestre. Là, c'est plate, mais en 2003, c'était très rare une femme sur les chantiers de construction. Alors, j'ai pris un 24 heures de méditation pour y penser. Puis, j'en suis venu à dire que j'allais essayer parce que pour moi, une femme, il y a beaucoup plus de minutie que moi en particulier. Si je me comparais en 2002, moi, peintre, parce que je suis un peintre de métier, alors j'ai fait le test avec Marie, Geneviève et Linda. Aujourd'hui, en 2016, ces 3 charmantes dames sont encore à mon emploi et même, c'est eux qui gèrent mes chantiers. Quand même. Alors, on a débuté en 2003. Quand on arrivait sur les chantiers, on avait tout le temps des petits rires ou des malaises parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'ils venaient faire, si c'était eux qui venaient faire l'entretien ménager. Alors, moi étant... Pas de préjugés pantoute, là, ouais. Déjà en partant. Mais par contre, vu que j'étais sur les chantiers puis que j'ai quand même pas la langue dans ma poche, puis pour moi, c'était important de les défendre puis d'avancer là-dedans. Alors, on a débuté en 2003 avec 3 femmes. Puis on a avancé d'année en année. Après 5 ans, ben je voulais avoir des plâtriers. J'ai commencé avec 2-3 plâtriers. On avance et je me suis dit la même réflexion qu'en 2003. Probablement qu'une fille plâtrière serait probablement plus minutieuse pour la finition finale. Par contre, où ce que je boguais un petit peu, c'était sur pour lever les poids. Parce que plâtrière, c'est beaucoup plus dur physiquement qu'une peintre. Alors, j'ai essayé avec une qui s'appelait Sophie. Elle était apprentie première année. J'ai réussi à la rendre compagnon puis qu'elle peut battre ses propres ailes. Puis, par la suite, j'ai eu une approche avec les sourds du Québec. On était venu me rencontrer avec Joanne, qui est sourde et muette. Alors là, on voulait que partir sur un procédé pour Joanne, 40 ans. Son rêve, c'était de travailler dans la construction. Alors, j'avais commencé les démarches avec eux à l'école Émouac, ce qui n'était vraiment pas facile parce qu'il y avait, mettons, 186 personnes en attente. Sur les 186, il y en avait 184, c'était des hommes. Alors, fais des téléphones, des contacts, essaye de bouger un petit peu. En tout cas, tout va de la sorte que Mme Joanne a réussi à rentrer à l'Émouac. Après ça, il a fallu intégrer un interprète qui était en classe avec elle pendant 9 mois parce qu'elle ne comprenait pas. Alors, moi, j'avais déjà donné une garantie. Dans la construction, on dit donner une garantie de 150 heures. Alors, ça, ce qui veut dire que en lui donnant la garantie avant de commencer son cours, si elle réussissait son cours avec son diplôme, Mme Joanne pouvait s'en venir à l'emploi chez nous. Okay. Alors, elle a débuté son cours. Après les 9 mois, elle a été diplômée avec le résultat de la meilleure performance à l'école des métiers. Pour une dame qui est sourde et muette, c'était exceptionnel. Joanne, ouais, elle avait un handicap en plus. Là, elle avait un autre défi relever. Hein? Ben, mettons qu'elle en avait trois. Elle avait c'est le défi ça. Que c'est une femme. Elle avait le défi d'être sourde et muette. Puis elle avait le défi de vraiment compétitionner pour essayer de démontrer que ces deux tabous allaient tomber, qu'elle pouvait avoir sa place, et elle a fini première. Alors, Joanne a commencé chez nous, puis c'était comme une deuxième naissance, là. Elle a commencé apprenti première année, apprenti deuxième, apprenti troisième. Puis aujourd'hui, Joanne est compagnon, elle a le salaire qui va avec. Est indépendante, elle gagne son salaire, puis elle travaille 37 heures semaine, puis ça aurait été ma plus belle réalisation. Oui, puis pour des fois, il y en a qui vont dire les femmes sont moins payées. Il y a une échelle salariale là, en construction, faut pas. Bien, l'échelle salariale est pour ça, tout le monde. C'est ça, tu est pour tout le monde. Georges, Pitt ou Sylvie. C'est ça. Apprenti première année, c'est le même taux, c'est le même décret, la même convention collective. Ça protège déjà en partant les femmes, là, mais c'est de trouver l'emploi. Je vais aller aussi du côté de Jessica qui est invitée. Bonjour Jessica, je sais, c'est la première fois que tu fais de la radio, puis c'est correct, on est là pour jaser. Il y a personne qui nous entend. Tiens, on va fonctionner comme ça. Toi, tu es ingénieur, mais tu es aussi VP depuis quelle année déjà chez Drolet Construction? En fait, ça fait quelques mois. Quelques mois? Effectivement, mais j'ai commencé comme chargée de projet chez Drolet Construction en 2013 pour compléter un projet qui était déjà amorcé, un projet de 42 millions. Donc, c'était un petit projet. Oui, c'est ça, un petit projet. 253 unités d'habitation. En fait, c'était un très gros défi à relever. Et suite à la livraison du projet, j'ai été nommée directrice construction. Et j'avais à diriger une équipe de menuisiers, contremaîtres, chargés de projet, adjoints chargés de projet, commissionnaires, etc. Donc, j'ai été nommée directrice construction vers septembre 2013 et tout récemment vice-présidente, directrice des opérations. Puis d'où c'est parti, s'en aller en ingénierie? Toi, dans ton cas, c'est ingénieur en construction. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai regardé là au niveau de l'ETS. Attendez que je retrouve mes notes au niveau de... Ben écoutez, c'est en génie de la construction à l'ETS en avril 2013, selon Jobboom, par exemple. On parle de 16%. C'est peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Fait que c'est pas beaucoup. D'où ça t'est venu de dire, ben moi, je m'en vais là-dedans? En fait, ça remonte à très longtemps. Quand j'étais tout petite, j'ai toujours été intriguée, passionnée par la construction. C'est toujours un métier qui m'a passionnée, en fait. Je me rappelle, j'étais tout petite, mon père faisait des travaux de rénovation à la maison et moi, j'étais très curieuse. Je l'assistais parce que je suis pas très bonne manuelle, mais plutôt bonne pour diriger les équipes, mais pas travailler manuellement. Donc, je l'aidais, je l'assistais. J'étais très curieuse de voir comment les choses se battent. Je faisais le tour du quartier en vélo dès un très jeune âge et je m'arrêtais devant les constructions de bâtiments, les constructions de maisons et je pouvais contempler pendant des heures et regarder, ça me fascinait en fait. Et donc, à la fin du secondaire, quand était venu le temps de prendre la décision sur ma carrière professionnelle, je voulais aller en construction, en technique de l'architecture. Et je me souviens d'avoir eu cette discussion-là avec mes parents qui m'ont dit « Écoute, Jessica, nous, on croit en toi. On sait que tu as les aptitudes, on sait que tu peux faire tout ce que tu vas vouloir faire et que tu vas réussir. Mm-hmm. Mais faut que tu le saches, tu as choisi un domaine traditionnellement pas réservé, mais pratiquement aux hommes. Donc, tu vas vivre des situations difficiles, ça sera pas toujours facile. On te conseille de bâtir une carapace puis de vraiment d'apprendre à vivre avec ces situations-là. Donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment la bonne décision que je prends? Et la réponse était oui, c'est la bonne décision parce que dans le fond, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui me passionnait, c'est la construction. Donc, c'est pas le fait d'être une femme qui va m'empêcher de faire qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Donc, mm-hmm. Je me suis inscrite en architecture au Cégep à Montréal. Et ensuite, j'ai décidé d'aller en ingénierie de la construction à l'ETS à Montréal pour faire mon bac. Et finalement, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Mais il n'y avait pas beaucoup de filles à l'ETS. Non. T'étais une des seules, des rares? Non, en fait, en génie de la construction, c'est le domaine où il y a plus de femmes. C'est génie mécanique, génie électrique, technologie de l'information, etc. C'est des domaines où, effectivement, une ou deux femmes par groupe, là, c'est quand même beaucoup, quasiment. Mm-hmm. Mais en construction, on était peut-être une dizaine dans une classe de 60 élèves. Mais quand on était dans des groupes généraux, par exemple, les cours de mathématiques, physique, chimie. J'étais la seule femme dans un groupe d'une cinquantaine d'élèves. Et là, j'espérais que le professeur allait être une femme, mais non, c'était un homme. C'était un homme de plus, bon. On se sent un peu seul au début, mais sincèrement, les gens que je côtoyais étaient très... Les hommes, en fait, là, qui étudiaient à l'école de technologie supérieure, étaient très respectueux, mm-hmm. très professionnels. Donc, ça m'a aidée à passer au travers. Ben c'est le fun de savoir que justement là ça se passait bien puis que il y en a parce que c'est ça comme j'expliquais dans l'introduction dans mon cas ça s'est bien passé. Est-ce que c'est une loterie? Ben là ça c'est plate à dire mais c'est quasiment le cas là. Ça dépend des chantiers je pense ça Stéphane. Ben, une loterie je veux dire de plus en plus que les années avancent moi je compare la construction comme l'environnement. Mm-hmm. Ce qui veut dire que, v'là 25-30 ans, nos grands-parents, nos parents nous disaient, nous éduquaient que, qu'on baisse pas notre vitre, on tire pas des canettes, puis. Mais aujourd'hui, la construction, c'est la même chose. Tout ouais. part par l'éducation. Ce qui veut dire que la mentalité des gens, les hommes de 60 à 68 ans qui sont sur les chantiers de construction, eux, ils ont eu leur méthode dans le temps. Pis c'est pas méchant, faut pas les en vouloir. Ils ont été éduqués à travailler avec des gros mots, puis à travailler fort, avec moins d'outils. Puis aujourd'hui, mais la technologie, tout a évolué. Par contre, moi, je dis au palier gouvernemental aujourd'hui, comme je le dis depuis un an et demi, c'est que si on prend pas la peine d'éduquer la nouvelle génération de 18 à 25 ans qui va arriver sur les chantiers de construction, qui vont nous tasser, qui vont prendre notre relève, si on n'éduque pas, on n'apprend pas l'apprentissage que... Moi, chez nous, là, depuis un an et demi, je dis à mes employés, la construction n'a pas de sexe. Mm-hmm. Moi, c'est de ça que je suis parti. Je veux dire que ça soit Pete, Georges ou Sylvie. Moi, les trois chez nous sont égaux. Mm-hmm. Mais v'là 30 puis 40 ans, une femme dans la construction, ça aurait été se faire tirer des pierres, puis retourne à tes chaudrons, va faire du lavage. Ça se dit encore? Ça se dit encore, mais de moins en moins, parce qu'on a des gens comme Mme Pearson, on a des femmes architectes, on a des femmes entrepreneurs dans la construction. Mm-hmm. À cette heure, à Montréal, à Québec, on a des femmes qui ont le licence d'entrepreneur. Oui. Alors, eux, ils ont peut-être pas la langue dans leur poche. Puis, ils vont prendre les mesures nécessaires pour faire comprendre aux salariés, aux nouveaux, que je pense que tout le monde a sa place. Puis, quand je dis tout le monde a sa place, dans la construction, c'est un métier qui, on dirait que c'est comme aller à la guerre. Ce qui veut dire que tu sois un homme ou une femme, si tu es compétent, tu as ta place. Puis, si tu n'es pas compétent, comme moi, chez nous, présentement, là, sur 66, 67 employés, j'ai 34 femmes. Moi, j'avais dit, voilà un an, que je voulais être parité 50-50. Ouais. Je vous dirais que les 34 femmes qui travaillent chez nous présentement, c'est les 34 meilleures. Si j'en aurais 42, puis j'en aurais 7 qui ne seraient pas bonnes, bien, les 7, il faudrait qu'ils s'en retournent chez eux. C'est sûr. Puis, les hommes, c'est la même chose. Moi, ceux que j'ai chez moi, je les considère comme les meilleurs. C'est les hommes les meilleurs. Mais il peut m'arriver une, deux fois par année que je vais donner la chance à un jeune étudiant de 18 ans, un homme, puis que c'est pas son métier. Mm-hmm. Alors, il faut que j'aille le rencontrer puis je lui dise, mais au lieu d'être peintre ou plâtrier, tu devrais peut-être t'en aller à soit infirmier, c'est pas ça. Ton domaine. C'est ça. C'est la même chose pour les femmes. Pour les femmes, souvent, moi, je pense, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les deux, j'ai l'impression qu'une femme qui s'en va, un exemple, peintre en bâtiment, on prend celui-là parce que c'est ce que, c'est le métier qui t'engage beaucoup. Au niveau peintre en bâtiment, faut vouloir le faire là. C'est pas un peu comme les gars qui vont dire bah je vais m'essayer en mécanique, je vais m'essayer. Les femmes qui décident d'y aller, ils savent déjà là qu'ils ont une prise contre elles là. Mais moi, je pense que la problématique qu'on a eue, puis peut-être Madame Jessica va être d'accord avec moi. Moi, j'ai cru là 5-6 ans que les femmes qui venaient dans la construction venaient pour le salaire. Au départ, je croyais, je me disais. Vu qu'il y a des bons avantages, que les salaires sont gros, puis je m'excuse envers toutes ces femmes-là parce que je me suis trompé. Ben, c'est correct, c'est un préjugé. Ben, je pense que tu te reprends bien là, oui, avec 34. Parce que t'as beaucoup de femmes qui ont fait un métier jusqu'à 35-40 ans, soit infirmier ou aider des handicapés. Puis qu'à un moment donné, ils se lèvent le matin puis qu'ils décident de faire un choix de carrière différent. Mm-hmm. Alors moi, ces femmes-là, aujourd'hui, il y en a 34 qui sont chez nous. Puis c'est des passionnés, c'est la passion, c'est pas le salaire, parce que souvent, les femmes qu'on engage, c'est des monoparentales. Mm-hmm. Il y en a beaucoup de ça. Ouais. Alors, on se dit, si c'est vraiment pour le salaire, ils trouveraient probablement un horaire plus adapté à leurs besoins. Oui, parce que ça commence tôt, là. C'est des grosses journées, il ne faut pas oublier. Nous, ils arrivent à 6h30, 6h40 le matin. C'est ça, les garderies ne sont pas ouvertes. Non. On s'entend, là, c'est pas pour ça là, que les femmes le font en général. Puis il faut qu'ils trouvent des solutions parce qu'ils finissent à 15h15, ils ne sont pas chez eux avant 16h. Puis ils n'ont pas été chercher l'enfant, les repas, les devoirs. Alors, ça pour ça, je lui lève mon chapeau. C'est vraiment exceptionnel. Beaucoup sont monoparentales, vont se débrouiller. C'est de l'organisation. Puis on remarquera que c'est ceux qui se plaignent le moins. Puis souvent, qui ont l'épine dorsale la plus dure, c'est eux, dans le fond. C'est vrai ce que tu dis, Stéphane, parce que la conciliation travail-famille, c'est ce que je trouve le plus difficile dans le milieu de la construction. Parce que les horaires débutent très tôt le matin. Oui. Les services de garde, les garderies ne sont pas ouvertes. Mm-hmm. Donc, les femmes en question doivent se retourner vers leur conjoint pour les aider ou leur famille proche, etc. Et je pense qu'on a un bon bout de chemin à faire sur ce niveau-là pour justement favoriser puis aider les femmes à choisir ce milieu-là parce que sinon, ça devient carrément impossible. Bien, déjà, dans beaucoup de métiers, dans plusieurs entreprises, c'est difficile souvent pour les femmes à ce niveau-là. Elles vont pas être favorisées parce qu'ils ont des enfants ou peut-être parce qu'ils n'en ont pas, vont se faire poser carrément la question, ce qui est illégal là, de se faire poser la question. Mais savez-vous, c'est lequel, présentement, le tabou le plus grave envers les femmes pour la construction en 2016? Ben, je veux l'apprendre. C'est la maternité. Oui, hein? Comme moi, aujourd'hui, j'en ai 6 qui sont en congé parental. Puis ces 6-là, quand ils vont revenir, vont revoir leur poste. Mais tous les entrepreneurs de la construction, c'est ça qui me désole, c'est que tu sois policière, ingénieur, architecte, avocat, n'importe quoi, pompier, depuis que mère est monde, une femme nous donne la plus belle merveille, nos enfants. Oui. Alors, dans la construction, c'est la même chose. Puis on s'imagine que c'est un drame national parce que Sylvie ou Catherine va tomber enceinte, puis on va les perdre pendant un an et demi à deux ans, parce que depuis à peu près, je vous dirais, six mois à un an, la CSST a intégré l'allaitement, ce qu'il n'y avait pas avant. Okay, ce qui veut dire, oui, ce qui veut dire que pour une femme dans la construction, excusez, si après l'accouchement, tu décides de vouloir allaiter ton enfant pendant 12 mois, alors tu vas tomber sur le congé parental CSST qui donne 80 ou 85 % de ton salaire pour faire l'allaitement que, voilà, un an, cinq ans, sept ans, ça n'existait pas. Alors souvent, la fille, dans la construction, le matin qu'elle nous arrive avec un papier du médecin comme quoi qu'elle est enceinte, ce qui est merveilleux, est arrêtée minimum deux ans. Ce qui veut dire, c'est ça qui fait peur présentement, mais faut éliminer ce tabou-là parce que... Oui. Puis aussi, il y a un point aussi, le congé parental au niveau des hommes est de plus en plus long aussi. Ça, faut regarder ce côté-là parce que moi, j'en ai eu des hommes aux côtés de moi qui sont partis en congé de paternité, puis ils sont partis au moins six mois. Fait que déjà là, on a un six mois. Des fois, il y en a qui vont prendre l'année au complet. Ça, faut pas l'oublier aussi, qu'on s'en vient de plus en plus égalitaire à ce niveau-là. C'est sûr, c'est pas l'homme qui porte. Donc, on parle de retrait préventif pour les femmes. Mais au niveau des hommes, eux autres aussi, un coup que le bébé est arrivé, ben ils vont prendre un congé de paternité. Ça veut dire, si vous avez un couple dans la construction, c'est pas facile. Ça veut dire, la dame quitte deux ans, puis le conjoint part 5-6 mois. Ouais. Mais souvent, moi je l'ai ça dans mon entreprise. Là, mais c'est une réalité. J'ai deux couples, puis j'en ai un couple qui sont en congé de maternité. Par contre, souvent, ce que le conjoint fait, c'est va prendre les vendredis ou les lundis pour soulager, aider sa conjointe pour la fin de semaine, pour qu'elle ait du repos, puis ces choses-là. C'est quand même assez rare que je vais voir dans la construction un homme, t'es-tu d'accord, Jessica, qui va partir 5-6 mois de temps? Ça m'est arrivé dans mes menuisiers contremaîtres, un contremaître qui avait pris plusieurs semaines, là, voire plusieurs mois comme congé de paternité. Nous, dans le fond, on encourage, on n'empêche pas un contremaître de s'absenter et on essaie de le réintégrer au travail là, dès que son congé est terminé. Donc oui, ça arrive, mais la majorité prennent cinq semaines, ce qui est permis là, par la RQAP. Parce que c'est ça, c'est le point que j'amenais, c'était justement, moi, c'était un technicien au niveau génie mécanique que lui était parti là, pendant 6 ou 8 mois là, qu'il avait pris au total. Là. Donc, c'est pour ça, des fois, en construction. Puis, j'ai remarqué, on parlait tout à l'heure des vieilles mentalités. La nouvelle génération, si je me réfère à moi, parce que je pense que je peux pas aller mieux dans le sujet que si j'utilise mes propres expériences, les gars de construction que j'ai travaillé avec, c'était eux qui étaient les plus jeunes, par exemple, qu'on parle 40 ans et moins, sans avoir de préjugés. Il y en a qui ont 40 ans et plus, qui ont la même mentalité, mais les 40 ans et moins, c'était eux qui étaient plus à l'écoute, qui me parlaient, ils me piquaient des jasettes, bien philosophiques des fois. C'était drôle parce que moi, j'avais pas cette impression-là. Il y en a qui me disaient, écoute Mélanie, s'il y a quoi que ce soit, viens me parler, parce qu'ils savaient que moi, avec mes chefs de secteur, par exemple, c'était pas évident. C'était une autre génération, plus vieille que moi. On parle de gens qui étaient près de leur retraite et puis qu'eux voyaient une dessinatrice arriver. Déjà, le poste n'existait pas, voulaient rien savoir. Il se cachait des plans pour eux. Fait que moi, il fallait toujours que je cherche. Mais les plus jeunes étaient beaucoup plus ouverts avec mais moi. Comme qu'on disait tantôt, les plus jeunes sont rendus sur une génération plus avancée, plus ouverte. Ben, ont vu leur père aussi prendre part, admettons, si on va d'un standard, là, dans la généralité, ben, qui ont pris part à la maison pour les tâches, les choses pour l'éducation. Fait que sont peut-être, ça aide, là, ça peut-tu changer plus rapidement qu'on pense, peut-être? Ben, je pense que déjà, ça change, ça l'avance, ça recule pas. Puis aussi, il y a des organismes qui travaillent très fort pour aider. Je vais vous donner des exemples. Elle, la construction, la CQ, la présidente Manon Bertrand, Après ça, vous avez Mme Audrey Murray, qui est la vice-présidente de la CCQ, avec Mme Diane Lemieux. Toutes des femmes. Je vous dirais que ces femmes-là, avec le front, mais la CQ et elle, la construction, sont des gens présentement qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup pour intégrer les femmes dans la construction, puis pas nécessairement pour l'intégration. Le problème qu'on a aussi, c'est que une femme qui rentre dans la construction présentement, les statistiques disent qu'après 2 ans, elle quitte. Ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2016 jusqu'en 2021, le but premier, c'est d'intégrer des femmes, mais aussi qu'ils restent à l'emploi. Bien, oui, après 5 ans, même, il y en a pas loin de la moitié, si c'est pas plus, ouais, même, qui partent. Oui. Puis, le nombre d'heures aussi, ça, souvent, ce qui arrive en construction, de ce que j'ai compris, c'est que le nombre d'heures pour les hommes, moi, j'ai 958 heures pour les hommes, 694 heures pour les femmes pour un an. Ils n'ont pas d'heures, là. Non, mais là, ce qui s'en vient avec la Commission de la construction du Québec, avec le travail qui était fait, les ailes de la construction à Montréal, avec l'ACQ Québec, c'est que là, la loi R20, d'ici peu, et la loi va changer pour les femmes dans la construction, ce qui veut dire qu'un homme compagnon doit toujours être accompagné, c'est un pour un, ce qui veut dire un compagnon avec un apprenti. Et ce qui était dit depuis un an, puis qui était travaillé fort pour Mme Audrey Murray de la CCQ, l'ACQ, les ailes, qui ont démontré que si on veut que les femmes restent plus longtemps puis qu'ils deviennent à parité avec les autres, alors il va y avoir droit à, probablement, en tout cas, moi je suis pas ministre, là, mais il y a un projet de loi qui est présenté, un compagnon puis son apprenti. Le deuxième apprenti sera accepté par la Commission de la construction du Québec si c'est une femme. Okay. Ce qui veut dire que nous, quand on fait nos horaires et nos cédules de travail, la plupart du temps, sur tous les chantiers, nous, on cédule, mettons, Jessica, qui est ma compagnon, puis moi, Stéphane, je serai l'apprenti. Mm-hmm. Là, on travaille les deux. Si vous nous appelez le soir à 15 heures pour savoir demain tu travailles où, puis j'ai plus de compagnon disponible, mais j'ai de l'ouvrage, mais je te dis, c'est malheureux, mais il faut que tu restes chez vous demain, c'est plate, puis tu viennes part d'un beau 8 heures de salaire. Alors là, Jessica, ma compagnon, va m'appeler pour que j'aille travailler avec elle demain matin. Mm-hmm. Et elle va pouvoir t'appeler aussi puis te dire, ben viens-t'en nous aider. On est légal. On n'a pas de problème avec la commission de la construction. Alors là, ton 8 heures, le 694 à 952, si on peut le remonter pratiquement égal, je crois que là, la longévité de la femme dans n'importe quel domaine va aider énormément. Stéphane, on a un préjugé positif. On a, qui est intéressant au niveau du 40 %. Tantôt, on parlait à micro fermé. Là, il y a un 40 % d'augmentation du chiffre d'affaires depuis qu'il y a des femmes qui sont employées par toi? Bien, moi, je compare ça à là, peut-être 6-7 ans. Mettons que j'aurais peinturé la maison privée à Jessica. Bien souvent, on se rappelle pas de gestion 3 dans 1 ou de son propriétaire Stéphane Pepin, mais par contre, Jessica va rappeler 3 ans plus tard, puis elle va dire est-ce que je pourrais revoir Marie pour repeinturer ma maison? Alors moi, depuis 6-7 ans, j'ai la chance puis l'honneur que les gens nous rappellent beaucoup dans les maisons privées pour nous rappeler pour aller repeindre leur maison. Puis bien souvent, quand je parle avec la madame au téléphone, je dis « oui, il n'y a pas de problème ». Puis là, elle dit « tu sais, là, j'ai eu une fille, elle s'appelait Patricia. J'aimerais tellement ça qu'elle revienne ». Alors, le chiffre d'affaires d'une entreprise, quand les clients rappellent à tous les 2-3 ans, c'est ça qui fait que ton chiffre d'affaires va augmenter ou va tout le temps rester en bon. Le chiffre est bon. Alors moi, depuis 6-7 ans, je vous dirais que la moyenne de notre clientèle, puis même dans les entrepreneurs généraux, on en a de plus en plus que c'est pas à cause qu'on est, on doit pas être les moins bons parce qu'ils nous rappellent. C'est sûr. Mais les chargés de projet vont souvent appeler à nos bureaux puis dire, Monsieur Papin, dans 2 semaines, on a un tel projet à telle école. Tu peux-tu nous envoyer Sylvie? Parce que Sylvie a peinturé pour ce chargé de projet-là, là 2 ans. Puis ils se sont bien entendus. Alors, de plus en plus, chez nous, ça fonctionne comme ça, puis j'en suis très fier, puis le mérite revient pas à moi. Le mérite revient aux filles qui travaillent pour moi, qui qui arrivent le matin à 7h moins quart avec un sourire sont toujours déjà bien mises. Hein. Eux, ils ont les bottines attachées, ils ont les pantalons propres, le chandail propre, puis ils ont un sourire, ils sont prêtes. Mm-hmm. Puis, sachez que depuis... Ça que fait une différence. Là. Juste au service à la clientèle, là, on parle d'une grosse différence. Oui, mais là. Ça fait une différence aussi sur les gros chantiers de construction. Aussi. Parce qu'une femme va apporter un genre de respect puis un genre de familial sur un chantier qu'avant, on n'avait pas. Là, 10, 15, 20 ans, ça travaillait avec des gros mots. Puis aujourd'hui, bien, avec les filles, bien, ils ont un sourire, ils vont en taquiner un, ils vont en agacer un autre, mm-hmm. ils vont parler de plusieurs choses autres qu'un char, un quatre roues, puis un changement d'huile. Puis ils vont dédramatiser aussi par l'humour, je pense. Je pense que ça, Jessica, je pense que tu peux aussi en parler peut-être. Je sais pas, toi, de ton côté, comment tu réagis face à ça, face sur un chantier, quand il y en a un qui est un peu plus... comment je pourrais dire, qui est plus stiff. Qui est plus stiff. Oui, c'est pas mal ça le mot que je cherchais. Merci. En fait... Comment on réagit justement quand on arrive avec quelqu'un qui coopère un petit peu moins, sans rentrer dans les détails, là, mais en général, là, avec les gens? Oui, parce que ça serait de mentir de dire que c'est toujours facile en tant que femme sur les chantiers. Si je fais juste faire une petite mise en contexte, là, quand j'ai commencé ma carrière en 2001, je faisais des stages pour le gouvernement sur des chantiers de construction. Donc, j'arrivais sur les chantiers et j'étais en mode observation. Donc, j'étais là pour remplir des journaux de chantier, vérifier si quel était l'échéancier des travaux, si on était à temps, etc. Et là, j'étais comme l'intrus sur le chantier de construction. Fait que les gars arrêtaient de travailler. Puis, c'est sûr qu'on entendait toutes sortes de remarques. Au début, je savais pas comment gérer ça. Mm-hmm. Je trouvais ça plutôt difficile, mais je répondais pas. Je les laissais faire parce que je me suis dit, si je réitère, si j'embarque là-dedans, ben ça va juste être pire. Non, c'est ça, faut pas alimenter non plus. Absolument. Mais comment est-ce qu'on coupe ça? Ben souvent, c'est... Ben ça s'est amélioré au fil des années parce que en bâtissant notre expérience, hein, avec plusieurs années d'expérience, ben on devient plus crédible, on a un meilleur argumentaire technique. Donc, quand on va voir un travailleur sur le chantier puis qu'on lui dit, ben écoute, les travaux que tu as faits ne sont pas conformes selon tels critères, selon le devis, les plans, mm-hmm. bien, on tombe dans des points très spécifiques. Donc, oui, il n'aimera pas ça se faire dire ça par une femme. On ne se le cachera pas. Il n'aime pas ça. On le voit dans sa face. On se le voit. Se le faire dire, il va argumenter de toute façon, mais là, en plus, c'est une femme, ça a une couche de plus, j'imagine. Oui, puis on se fait dire, ben écoute, là, jeune fille, ça fait 25 ans que je fais ça comme ça. Là, tu ne me diras certainement pas comment faire ma job. Ça, on se le fait dire souvent. Mm-hmm. Mais moi, je prends ça avec un brin d'humour. Je le regarde, je dis, ben écoute, ça fait peut-être 25 ans que tu le fais pas comme il faut, puis ça serait le fun que les 5 prochaines années que tu le fasses comme il faut. Fait que viens, on va en discuter ensemble. Puis là, ben avec un petit brin mm-hmm. d'humour, des fois, ça vient changer un peu l'atmosphère, là. Mais c'est sûr qu'il y a, c'est pas toujours évident, mais ça serait de généraliser, de dire que c'est quotidien. En fait, je pense que, pour ma part, je pense que c'est une infime partie mm-hmm. des hommes qui ont peut-être encore la difficulté à voir une femme sur un chantier de construction. Pour ma part... La génération taverne. Ouais, c'est pour pas ma, mal ça. Pour ma part, j'arrive avec un casse-blanc sur le chantier. Je suis vice-présidente. Donc ça change aussi la donne versus à l'époque où j'étais mm-hmm. Assistante, que j'arrivais au chantier. Là, j'avais moins de crédibilité. Ouais, puis il y a aussi de la part des femmes ce que moi j'ai vécu du côté parce que j'ai commencé dessinatrice, après ça j'ai eu un département, tout ça, et puis venant de d'autres femmes qu'on m'a demandé, as-tu fait de l'œil au boss? Ça m'est arrivé, puis c'est aussi de la part des autres femmes. À un moment donné, là, faut ouais, mais ça, faut je pense, dire, regarde, ben, là. Nous, dans notre domaine, là, dans la construction, que la ouais. fille soit un sexe symbole ou que la fille soit lesbienne ou que... Ça regarde qui, hein, comme je dis tout le temps? Ça regarde à rien pour nous autres parce que la fille est apprentie première année, apprentie deuxième, apprentie troisième, apprentie compagnon. Moi, la fille de 23 ans, qui est une ancienne coiffeuse, qui a du D+, je veux dire, quand même qu'elle viendrait chez nous dans mes bureaux, qu'elle soit la fille la plus formidable du monde, elle peut pas partir d'apprendre sa première année à monter compagnon. Ça veut dire qu'elle a ses 6000 heures à faire, comme tout le monde. Puis moi, chez nous, quand que je passe les entrevues, une chose que je dis, puis que c'est renommé chez nous, chez Gestion 3 dans 1, quand j'engage une étudiante qui arrive, qui a 20 ans, qui soit de nature, de n'importe quelle sorte, petite, grande, moyennement, quand qui s'assise devant moi, la première chose que je lui fais mention, c'est que tes fesses et tes seins, ton corps t'appartient, c'est à toi. C'est ça. Alors, ça, c'est le premier respect qu'il doit y avoir dans la construction. Je veux dire que tu sois lesbienne ou que tu sois n'importe quoi, noire, vietnamienne, ça n'a aucune importance dans la construction. Livre la marchandise, vas-y avec un travail de minutie puis de respect. Puis moi, mes hommes, moi, souvent on se rencontre, les employés sur des chantiers, on va s'asseoir sur des 20 litres puis on va jaser. Moi, j'essaye d'éduquer aujourd'hui que tout commence par le respect. S'il y a un respect puis une harmonie qui se forme dans ton entreprise, tu seras toujours les meilleurs, les premiers. Puis aussi, c'est d'avoir un plaisir de travailler. Mm-hmm. Aujourd'hui, en 2016, là, de se lever à 5h30 pour faire son lunch puis d'aller travailler. Faut être motivé. Si tu arrives à 7h moins quart avec une face de troc, que tu sois un homme ou une femme, puis que tu quittes à 3h15 avec une face de troc, ce qui veut dire, et d'un, que tu n'aimes pas ton métier. Change. Puis, et de deux, souvent aussi, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie. Parce que souvent, les entrepreneurs généraux, comme Construction Marc Drolette, pour donner un exemple, parce que Mme Jessica est à côté de moi, ben oui. Eux, sur le chantier, ce qu'ils s'efforcent de faire, c'est qu'il y ait une harmonie. Mm-hmm. Ce qui veut dire que tout part du contremaître de l'entrepreneur général, qui va harmoniser son chantier, puis si lui, en l'harmonisant, bien, ça va être plus facile pour tout le monde. Bien, des valeurs de la compagnie. Dans ton cas, tes gars, ça, on n'en parle jamais. On parle beaucoup des filles qui travaillent pour toi. Mais les gars, comment est-ce qu'ils... Quand ils sont embauchés, eux autres, ils ont-tu à s'adapter ou ils savent tout de suite en partant quand je vais porter mon CV chez eux, je m'en vais porter chez Gestion 3 dans 1, bien, mon CV, c'est sûr, j'ai à travailler avec des filles. Bien, moi, non, parce que... On n'en parle pas d'eux autres, il faut les intégrer aussi. Là. Moi, mes gars, c'est des perles. Parce qu'ils ont su s'adapter en 2003, 2004, 2005 à l'intégration avec les femmes. Je vous dirais que je n'ai peut-être eu deux cas qu'à un moment donné, ils ont fallu qu'ils quittent parce que eux, le cerveau était comme un écureuil, il tournait tout le temps. Mm-hmm. Puis on avait beau répéter, ils ne comprenaient pas. Mais ces gens-là, aujourd'hui, en 2016, parce qu'on reste tout le temps liés à savoir qui est rendu où. Oui, c'est un petit marché. Ces deux individus-là ne travaillent même plus dans la construction. Ce qui veut dire que c'est une minorité. Mais moi, chez nous, mes gars... Puis mes filles, souvent, ma fille peinte va aider le gars, mais aussi le gars va aider ma fille. Tu sais, si on travaille un 20 logements au quatrième étage, puis on a 8-20 litres à 50 livres chacun en montant en haut, mais mon peintre dira pas à Patricia, « Hey, la petite, va dans le bas ramasser ça. » Ils vont partir les deux ensemble. Ben même chose que si ça avait été deux gars. C'est là. En plein ça. Ce qui veut c'est dire ça? Que moi, chez nous, c'est égal. Quand tu fais un travail, puis s'il est plus dur un peu, mais pourquoi le dénigrer? Parce que ça peut être un jeune garçon de 18 ans qui paye 100 livres, qui a le cœur gros comme la planète, mais qui manque un peu de force aussi. Ben mais oui. La fille peut aller l'aider. C'est un travail d'équipe. Ben c'est ça, ça va pas avec le sexe nécessairement. Là. Si le petit jeune de 18 ans, lui de son côté, ben c'est ça, il est pas capable ou il a de la misère avec son 20 litres à soulever. Ben c'est quoi, c'est une cinquantaine de livres ça, ouais. À peu près? Ben c'est normal. Là, mais je vous dirais que les hommes de plus en plus là font leur part, puis même on va enlever le mot font leur part. Je pense qu'il s'est rendu une normalité d'avoir un homme et une femme qui travaillent ensemble sur un chantier puis qui travaillent main dans la main à travailler puis ben avoir là, du fun. Ça devient des compagnies familiales. Et on regarde chez Drolet Construction, dans les bureaux, à l'administration, on est 9 femmes sur 17 employés. Donc, puis on est dans un milieu de construction, puis on a des ingénieurs en construction, des assistantes de projet qui maîtrisent très bien tout le côté technique du milieu. Donc, c'est aussi intéressant de voir ça. Et je pense que ça part De l'employeur en tant que tel. Si je regarde le propriétaire de Drolet Construction, le président, Marc Drolet, il a laissé cette chance-là à toutes ces femmes de pouvoir œuvrer dans ce domaine-là. Donc ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. C'est important aussi de faire confiance parce que je pense qu'à aptitude égale, une femme peut autant exercer ce travail-là qu'un homme. Ben c'est ça. C'est souvent, on va dire, les femmes n'ont pas leur place. Ouais, mais... Il y a aussi, oui, c'est vrai, il y a des côtés de la construction qui sont plus difficiles, mais si on adaptait un peu plus la façon de faire pour que ce soit moins dur, ben peut-être qu'on aurait peut-être moins de gars de 40-45 ans qui ont le dos en compote. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait adapter un peu, puis là, on pourrait peut-être plus intégrer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Parce que moi, je pense qu'il n'y a rien de facile, c'est juste de s'adapter puis de faire un travail d'équipe. C'est comme, tu sais, j'ai déjà dit à la radio que je voirais mal une femme travailler sur la charpente d'acier, mais je m'en excuse. S'il y a un aide, puis il y a des manières de travailler, puis il y a les outils nécessaires, je crois que n'importe quel métier dans la construction, oui, il y en a des plus durs, mais tu sais, j'ai rencontré, il y a 5 mois, une grutière. C'est pas facile. Quand ils startent leur machine, puis tout monter, puis la fille... Ce qui est le fun des femmes aujourd'hui, c'est qu'ils s'épanouissent. Ben oui. Ils sont contents de ce qu'ils font, puis ils y croient. Ben, ils vont pas là pour écœurer non plus. Non. Ils sont pas là pour écœurer, ils sont là pour faire leur travail, puis parce qu'ils ont une passion, là. Pour ceux, là, que des fois, ils ont la langue, qui se sont pas lavé la langue avec du savon, qui pensent que les femmes volent la job aux hommes, moi, je l'ai vécu, voilà un mois à Val-Balaire. Là, un mois à Val-Balaire, là, j'ai rentré dans une des maisons, puis on était en train de peinturer, puis c'est un compétiteur qui peinturait. Nous, on faisait le plâtre. Puis c'était correct que, tu sais, il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Puis je suis rentré, puis quand il m'a vu, il dit, « Hein, tiens, 3 dans 1. » Le « un qui engage des femmes qui font que moi, je fais juste 25 heures semaine. Ben, puis je lui ai répondu que s'il faisait 25 heures, c'est probablement qu'il serait même pas assez bon de peinturer le cabanon chez nous. Alors, c'est plate, mais c'est la vérité. Puis quand on a regardé le résultat final, mais il n'aura pas peinturé mon cabanon. Ce qui veut dire que c'était un qui s'était pas lavé la langue, qui était frustré de la vie, qui est frustré de la société en 2016, puis qui n'a pas compris qu'en 2016, tout évolue pour n'importe qui dans n'importe quel domaine. À un moment donné, il faut arriver en ville, comme on dit. Oui, mais lui, je pense qu'il n'avait pas trouvé encore la sortie de la ville. Et on voit que graduellement, les préjugés vont s'estomper. Déjà, moi, quand j'ai commencé en 2001, je trouve que ça l'a changé. Maintenant, en 2016, je trouve que ça s'est amélioré. C'est sûr que j'ai pas un métier manuel sur les chantiers. Je vois peut-être pas non plus tout ce qui se passe dans le cadre de chaque journée des femmes. C'est différent. Là, c'est vraiment au niveau... là, c'est au niveau des prises de décision. Là, c'est au niveau de l'intelligence aussi là, qu'on va, on va jouer en plus. Là, Mais dans les bureaux, ça se passe très bien. Les professionnels qu'on côtoie, les clients sont ouverts à ça. Je te dirais pas qu'il y a toujours cette petite air sceptique-là au début. Ils ne sont pas sûrs. Bon, écoute, tu as l'air jeune, me semble, pour occuper un poste de vice-présidente. Mais vite, là, ça l'étonnement laisse place là, à la crédibilité là, parce qu'ils voient bien que, qu'il n'y a pas de problème. Que c'est je suis ça, capable les préjugés au niveau gestion, je pense. Puis Stéphane aussi, toi, de ton côté. Au niveau gestion, on dirait qu'ils vont miser sur les préjugés quand il y en a, sur l'intelligence. Au niveau, peut-être, le travail comme peintre, tout ça, sans enlever l'intelligence à ces filles-là, là, je dis rien contre ça. Il y en a qui ont des bacs. Là. Yeah, c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, qu'ils vont peut-être jouer, aussitôt que la fille va utiliser un outil quelconque, ben, elle regarde, ça va être sur la force physique. Il y a un côté intelligence, un côté physique. Aussitôt qu'on touche à peu importe le domaine, ils vont tirer où est-ce que, ben, il y a un préjugé, là. On dirait que c'est... Ben, il y a un préjugé, mais, tu sais, pour revenir à vous, l'intelligence, là, moi, j'ai des filles qui ont des bacs. Non, non, c'est ça. Puis c'est... J'ai des filles qui ont un secondaire 3. J'ai des hommes qui ont des bacs. Puis j'ai des hommes qui ont un secondaire 1. Mais ben, l'intelligence ne va pas avec le diplôme. Ça, je le dis tout le temps. Là. Puis une dame qui travaille dans un bureau, qui soit ingénieur, architecte, c'est sûr qu'en jeune âge, puis moi, je le vois, moi, je suis propriétaire d'une entreprise, j'ai à avoir comme ordre Madame Person. C'est sûr que si, dans les tout débuts, j'aurais vu Mme Person, là, 15 ans, arriver sur un chantier avec un casse-blanc, puis qu'elle m'aurait dit que ma peinture n'était pas adéquate, bien, je suis comme les autres. Moi aussi, j'aurais peut-être dit, ben oui. T'as-tu déjà peinturé? Mais je crois que de plus en plus, moi, à mes bureaux, mon adjointe administrative, c'est une fille. Moi, Cynthia, ça fait 14 ans qu'elle est chez moi. Puis je peux vous dire qu'elle se promène en talons hauts d'un bureau. Mm-hmm. Puis si vous appelez pour monter le ton, vous allez probablement finir deuxième. C'est ça. C'est-à-dire, c'est elle qui me protège sur bien des choses. Ça prend du caractère aussi. Puis on remarquera que les femmes architectes, ingénieurs, la beauté de la chose de ces dames-là, c'est qu'ils ont une minutie, puis ils vont aller nous éduquer pour la qualité, ce qu'on n'avait peut-être pas vu le 15-20 ans. Mm-hmm. Parce que, tu sais, moi, ma femme, elle me dit des fois, elle va passer à la balayeuse. Puis moi, je passe la balayeuse de gauche à droite, de haut en bas, mais les quatre coins, je les fais pas. Ah. Mais une femme qui est peinte, architecte ou ingénieure, sa job à elle, c'est comme à la maison. Les quatre coins doivent être impeccables. C'est ça. Puis en arrière de la porte de la garde-robe, ça doit être aussi bien rangé. Nous autres, les hommes, moi le premier, j'étais peinte. L'endos du garde-robe, là, ça se peut qu'il soit oublié, hein? Oui. Puis c'est pour ça que les femmes, dans n'importe quel métier, vont nous apporter à l'homme un genre de petit minutie de plus qu'on va se soucier plus d'année en année, puis qui font que les entreprises sont meilleures aussi. Bien, si je me rappelle, les cours en dessin de bâtiment, on était presque 50-50 dans la classe, puis les gars dessinaient sur AutoCAD, puis ils se posaient pas de questions. Ils dessinaient jusqu'à temps que le dessin était fini, puis le prof disait, ben ouais, mais t'as oublié telle affaire, puis c'était au début du dessin. Nous autres, les filles, on prenait plus de temps. Puis c'était pratiquement toutes les filles dans la classe. Là, on prenait plus de temps, puis on posait les questions. Le pourquoi du comment, de pourquoi que je mets ma ligne là à la place, pourquoi qu'il faut que je calcule telle chose avant telle autre chose. Puis au bout de la ligne, à la fin de l'année, ben on faisait quasiment le dessin en même temps, là, le même nombre de temps que ça prenait. Mais souvent c'est aussi, pas la même façon. La phrase typique dans la construction de nous les hommes, parce que moi j'étais peinte aussi, c'est que c'est pas grave, ça paraît pas, le verra pas. Mais la femme. Parce qu'on s'est pas fait pas mal. C'est hein? ça. Puis la femme, elle, cette phrase-là, elle aime pas ça. Elle veut vraiment que tout soit terminé dans l'ensemble total. Pour une femme, quand elle fait un projet, veut le livrer à 100%. C'est honorable pour elle, puis elle en est fière. Nous, c'est de livrer le projet le plus vite, on change de place, puis on s'en va. Hein? Non, puis c'est vrai que la qualité est extrêmement importante, parce que, en tout cas, nous autres, chez Drolet Construction, la qualité, l'échéancier, puis les coûts, c'est trois variables extrêmement importantes qui vont mener à la satisfaction du client. Mm-hmm. Oui, puis... parlant de Drolet Construction, je pense que là, on est en nombre. Fait que dans le fond, là, on peut le dire, vous cherchez un chargé de projet ou une chargée de projet. Là, on le voit, vous avez autant d'hommes que de femmes, pratiquement. Oui, absolument. On a ouvert un poste de chargé de projet senior et j'invite et j'encourage même toutes les femmes à postuler sur ce poste. Le site Internet, c'est... www.drolaisconstruction.com. Drolet Construction. Ben, j'en profite justement là, pour vous remercier. J'aimerais ça, avant qu'on termine, de parler pour les femmes qui sont dans le domaine de la construction, de près ou de loin, que ça peut être des designers, ça peut aller. Je pense, Stéphane, t'apprends à connaître, il y a les ailes de la construction. C'est un regroupement pour les femmes dans le domaine de la construction, justement. Et puis, c'est un groupe qui est surtout situé à Montréal, mais qui a des... Il commence à avoir des ailes, E-L-L-E-S, des ailes à Québec. Et puis, je pense, Jessica, toi, tu peux un petit peu plus m'en parler à ce niveau-là. Oui, absolument. Ça fait près d'un an que je fais partie de cette association-là, qui, en fait, promouvoit les intérêts et les droits des femmes en construction, en plus de favoriser leur intégration, briser l'isolement. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un regroupement de femmes qui œuvrent dans le milieu de la construction. Et justement, en 2017, il y aura des activités qui vont avoir lieu ici à Québec. Et sans oublier également la soirée Elles reconnaissent qui aura lieu le 6 octobre à Montréal. Une soirée animée par Marie-Lise Pilote. Oui, c'est la première édition en plus. Absolument, oui. On avait jusqu'au mois de juin là, pour déposer nos candidatures pour gagner plusieurs prix. Oui, puis il y a différents prix qui sont remis, dont le prix de l'homme s'étant distingué. J'espère qu'on va vous retrouver là, Stéphane. On ne sait pas, on va savoir, le 9 septembre prix, si je suis en nomination. Le prix, c'est homme s'étant distingué par son engagement à promouvoir la place des femmes dans l'industrie. Donc, j'espère qu'on va vous retrouver à cette place-là, parce qu'avec 34 femmes, là... je pense que vous faites une belle part puis vous faites une belle différence. Mais il faut comprendre que le prix, c'est pas autant que d'écouter les femmes. Mm-hmm. Puis si le prix m'est remis à Gestion 3 dans 1, c'est pas Stéphane Pepin, c'est Gestion 3 dans 1. Mm-hmm. Mais c'est grâce à mes femmes. Ben parce que moi, mes femmes, c'est comme mes filles. Puis ils sont restés en plus. Hein? Ils sont tous restés. Puis depuis 2003 que les trois premières sont d'accord avec moi, j'en suis très fier. Puis on forme une belle équipe. Ben merci beaucoup. Merci à vous deux. Puis je vais mettre les liens de vos entreprises respectives sur la page Facebook de Différents. Vous pouvez retrouver Différents avec un S. Je le mentionne parce que c'est pas les différents. Différents, c'est un blog. Puis je vous interromps en vous disant est-ce qu'on peut vous dire merci aussi, parce que c'est grâce à vous puis à toutes les stations de radio puis les journaux, plus en plus que vous allez en parler à la semaine, au quotidien, des femmes dans la construction. Mais il y a une écoute qui va être faite de plus en plus, puis ça va nous avancer beaucoup plus. Alors, on vous remercie. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous deux d'être passés.